Les découvertes musicales de Fadjet. Depuis 2020, Thibaut Escalte construit un paysage musical qui lui est propre avec sept premiers titres qu'il a également mis en image à la façon de petits courts-métrages. Des morceaux qui constituent aussi le socle de son nouveau spectacle, Le Dernier Homme sur Terre. Voici le titre Sauvage. J'ai laissé tous mes repères pour des espaces qui réparent ma raison qui s'égare le soir. Je voudrais perdre le sud sous les rayons de la lune, peindre en blanc mes nuits noires, crier dans le silence. Embrasser la neige brûlant, devenir l'homme sauvage, l'homme sauvage, l'homme sauvage, embrasser la neige brûlante. Sauvage.